Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 30 mars 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 31 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Rebonsoir, c'est Martin Pelletier pour le journal de la liberté surveillée et je reçois ce soir le club de la presse maintenant avec Camille Gallic. Bonsoir Camille. Bonsoir à tous. Jérôme Bourbon, bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous les auditeurs. Et Joanne Smith, bonsoir Joanne. Bonsoir Martin Pelletier, bonsoir à tous. Alors, il y a un auditeur qui nous remercie de l'intituler le journal de la liberté surveillée. Ben, il l'apprécie beaucoup, tant mieux. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? Alors, il y a 55 sujets. On va commencer par quoi? Toujours le désordre, parce que c'est le désordre qui est le mieux. Si, une question qu'on n'a pas traitée, qui à mon avis, qui est déjà tout à fait passée, mais qui semble intéresser des auditeurs. Qu'est-ce qu'on pense de l'abandon de la réforme constitutionnelle? Moi, je pense que la réforme constitutionnelle, je n'en avais rien à cirer. Et l'abandon a-t-elle une importance ou pas? Si elle n'en a pas, on dit que ça n'a strictement aucune importance. Bah, ça a une importance de politique intérieure, en ce sens que ça affaiblit encore davantage François Hollande. On voit mal maintenant comment il pourrait être candidat de la gauche ou du Parti Socialiste dans un an, même si en politique on sait que les choses évoluent très vite. Mais enfin, il semble que, alors même que le chômage a continué à augmenter fortement le mois dernier, que son bilan est catastrophique dans tous les domaines, que je crois qu'il a une cote d'impopularité record. Je crois qu'il dépasse même les pires records d'impopularité de ses prédécesseurs. Et même à gauche, il est très décrié. Surtout à gauche. Voilà. Mais je crois que vous êtes très optimiste, Jérôme Bourbon, vraiment. Oh, je crois que lui ou lui ou un autre, oui, comme vous le dites, lui ou un autre, c'est à peu près pareil. Et en outre, on a trop vu l'exemple de mauvais perdants qui ont fait de bons gagnants par la suite, le temps d'une élection. Donc et la déchéance de nationalité, effectivement, comme vous, je pense que avec ou sans, ça ne change rien. C'est parfaitement subsidiaire, la déchéance de nationalité. Cela dit, il était scandaleux de la part de la gauche d'avoir étendu la déchéance de nationalité aux Français de souche, ce qui crée des apatrides, ce qui était grotesque. L'intérêt, c'était pour les binationaux, mais bon, aux Français de souche, ça n'a aucun sens de créer des apatrides. Mais il est vrai que bon, quelqu'un qui est kamikaze, c'est pas parce qu'on va le déchoir de la nationalité française que ça va l'empêcher d'agir. Même le rétablissement de la peine de mort, en l'occurrence, ne serait pas dissuasif. Dans ce domaine. De toute manière, ça n'était pas pour ça, c'était simplement parce qu'il fallait faire une fausse symétrie et ne pas apparaître raciste et discriminatoire en la réservant aux binationaux. On va parler de quelque chose de plus réjouissant, c'est l'affaire de l'anneau de Jeanne d'Arc. Moi, je ne suis pas très villiériste, vous le savez. Mais quand même, je trouve ça un beau geste. Qu'est-ce que vous en pensez, Joanne? Moi, je pense que c'est un geste magnifique. C'est un concours de circonstances que l'on attribuera au hasard. Le hasard étant l'écriture du bon Dieu dans l'histoire, si on veut bien me le permettre. Et je pense que cette trouvaille qui est sérieuse, qui a fait l'objet de vérifications, qui a fait l'objet... Parce qu'on a dit le contraire. On a dit le contraire. Il y a eu des mauvais coucheurs qui ont dit ça ne correspond à rien. Or, il y a beaucoup de détails qui ont été vérifiés scientifiquement et puis d'après les documents historiques que l'on possède, qui font que l'authenticité de cet anneau, sans être absolument certaine, puisqu'on n'en avait pas de photos à l'époque et pour cause, eh bien, elle est quand même très sérieusement acceptable. Et le fait qu'on puisse rendre hommage à cet anneau et que cela arrive maintenant, alors que La France est quand même dans une situation compliquée, certainement pas désespérée, mais bien triste, et bien c'est magnifique, et peut-être pourra-t-on, d'une certaine manière, aux prochaines occasions, comme le dit Olivier Figueras, que je connais bien, voter Jeanne d'Arc. Oui, sauf que si ça revient, les Anglais l'ont revendiqué comme oui, c'est ce que j'allais dire. Allez dire, ce qui me paraît prouver une certaine authenticité, c'est que l'Angleterre le réclame. Alors là, Camille, peut-être, mais je pense qu'il y a surtout le prix qui a été atteint aux enchères, parce que cet objet a été coté, si je ne m'abuse, 27 000 livres. Il est parti finalement pour 275 000 livres. Ça lui donne une autre brillance, si vous me le permettez. Oui. D'accord. Alors, de quoi va-t-on parler Le plan ville s'est changé en or. J'ai envie de parler d'un sujet tout à fait provocateur. Qu'est-ce qu'on peut penser de l'avenir politique de Jean-Marie Le Pen et de son nouveau mouvement ? C'est une question difficile que vous posez. Personne ne veut ouvrir le feu, c'est terrible. Alors, allez, Jérôme, vous aimez parler net et... Oui. Alors, je crois que Jean-Marie Le Pen est d'abord avant tout un homme d'action et il y a une forme de vitalisme chez lui qui fait que, en quelque sorte, il ne s'arrêtera que lorsqu'il prononcera son nunc dimittis. Et par conséquent, je crois que c'est pour lui une nécessité, d'où la difficulté d'ailleurs pour lui d'écrire ses mémoires en même temps, parce qu'il écrit très bien, mais curieusement, il a toujours eu du mal à écrire, alors que quand il écrit très bien, autant il parle de manière volubile, avec aisance, son écriture est bonne, mais il a plus de mal. Il y a des gens qui écrivent des pages très facilement. Ça voudrait dire qu'il se pense passé. C'est très difficile à la fois de décrire des mémoires et en même temps d'être dans l'action. Je pense qu'il n'avait pas du tout anticipé ce qui lui est arrivé il y a quelques mois. Parce qu'on n'est pas toujours, lorsqu'on est parent, on n'est pas toujours le plus lucide sur ses enfants. C'est très difficile, ça demande une distance affective qui est considérable. Lorsque vous avez un choix à faire entre des collaborateurs qui ont toujours été fidèles et vos enfants, même s'ils sont fidèles, même si les collaborateurs sont plus méritants, il faut vraiment beaucoup de distance affective et beaucoup de détachement pour dire ce sera mieux que soit le collaborateur que mon enfant qui héritera du mouvement que j'ai fondé, que j'ai dirigé pendant longtemps. C'est très compliqué, surtout que Le Pen est quelqu'un d'affectif. Le Pen est quelqu'un d'affectif. Bon. Oui, il semblerait. Donc, remarquez, la dimension affective est très importante. Elle est importante dans la vie et dans la vie politique aussi. Sinon, et même dans l'amour de la patrie. Et même dans l'amour de la patrie. Bon. Donc, je crois que. Donc, il a fondé des comités Jeanne au secours parce que le Front National a renoncé au défilé de Jeanne d'Arc officiellement à cause des menaces de Daesh. Mais il y avait eu des articles qui avaient paru notamment sur le site L'Opinion bien avant ces menaces, qui disait que de toute façon il y avait une volonté d'arrêter parce que pour un certain nombre de dirigeants du Front National actuel, la figure de Jeanne d'Arc, ça c'est un petit peu, comment dirais-je, après un petit peu suranné. Et puis d'autre part, dans ce genre de défilé, il peut y avoir des incidents, des militants qui parlent de manière un peu trop crue aux journalistes, aux caméras de télévision, il peut y avoir des incidents. Et je pense aussi que ça participe de l'évolution, ou d'aucuns diront de la rupture, entre le Front National canal historique et le Front National d'aujourd'hui. L'exclusion du père fondateur en est un des éléments essentiels. Et je pense que le défilé de Jeanne d'Arc, qui était un symbole très important chaque année, un rituel qui certes commençait peut-être un peu à s'user parce qu'il y avait un petit peu moins de monde. Ça me paraît tout à fait juste, mais alors l'avenir, puisqu'on parlait de ces comités. Bon, c'est très difficile. Je pense que ce sera très difficile parce que d'abord, ça va être très très difficile de réunir toutes les composantes de la droite nationale et radicale qui sont relativement nombreuses. Enfin, chacun souvent a tendance à jouer un petit peu perso, si vous me permettez cette expression. Et ça risque de pas être simple. En plus, il y aura des divergences de stratégie, de positionnement. Par exemple, Jean-Marie Le Pen vis-à-vis de Marine Le Pen, il a une position qui est un petit peu ambiguë, ce qui peut se comprendre puisque c'est sa fille. Or, il y a des gens dans la mouvance qui sont très hostiles à tout contact, à toute alliance, à tout rapprochement avec le Front National tel qu'il est aujourd'hui. Donc rien que ça va être un peu difficile à mettre en place, puisque je crois qu'il a dit éventuellement que la candidature, le soutien à la candidature de Marine Le Pen en 2017 n'était pas obligatoire, mais enfin, il n'est pas exclu. Or je pense que des gens, par exemple, comme Carole Lang ou d'autres, ça paraît inimaginable qu'ils puissent accepter un tel scénario. Donc je pense que ça ne sera pas simple, mais il est possible de se retrouver, je pense, à travers parfois un banquet passer, comme celui que nous organisons d'ailleurs. D'ailleurs, si je peux me parler juste une seconde, hein, sans vouloir ramener Rivarol, l'affaire. Oui, j'en avais parlé le mois dernier, et nous sommes à 515 inscrits, à 550 places. Et donc, s'il y a des auditeurs de Radio Courtoisie qui veulent encore venir à ce grand banquet pour les 65 ans de Rivarol, où il y a Jean-Marie Le Pen, où il y a Henri de Lesquin, Roger Olyndre, quasiment toute la mouvance nationale et nationaliste, eh bien, avec d'ailleurs des surprises, eh bien, qu'ils s'inscrivent très vite. Alors, soit par PayPal sur notre site internet rivarol.com, ceux qui ont PayPal, moi je leur conseille ça parce que c'est immédiat et on peut traiter immédiatement leur réservation, ou alors on peut encore écrire aux amis de Rivarol, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris, mais il faut faire très vite parce qu'il reste 30 à 35 places, pas plus actuellement, donc il faut le faire aujourd'hui, demain, après-demain, enfin, en tout cas avant la fin de la semaine, si on veut espérer, pour 40 euros, hein, j'ai oublié de dire, 40 euros, avec un repas à la française, c'est-à-dire fromage et dessert, comme on faisait autrefois. Fromage et dessert, alors ça vaut le coup. Voilà, donc avec du champagne, on a essayé de faire les choses le plus correctement possible, et je crois qu'il peut y avoir des interventions qui, je crois, pourront être intéressantes. Puis c'est l'histoire, c'est l'idée aussi de se retrouver de manière conviviale, amicale, je crois que c'est important. Autrefois, on faisait beaucoup de banquets, on en fait moins aujourd'hui pour des raisons diverses, et je pense que ça n'est pas mauvais de temps à autre de se retrouver. Donc tous les auditeurs de Radio Courtoisie sont les bienvenus s'ils le souhaitent. Donc je répète, 40 euros à l'ordre des amis de Rivarol, amis de Rivarol, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris, ou alors par PayPal sur notre site internet www.rivarol.com. Alors je rappelle que le banquet, c'est le samedi 9 avril à midi, donc on donnera le lieu pour des raisons de discrétion qu'on peut comprendre, on donnera, donc c'est pourquoi il est important que vous nous donniez un téléphone ou à défaut un courrier électronique pour qu'on puisse très vite vous dire le lieu exact du banquet, le samedi 9 avril 2016, et sachant que les inscriptions s'achèvent dans quelques jours, donc il faut vraiment être très rapide, mais je crois que c'est une journée qui pourrait être historique, en tout cas je l'espère, et par conséquent j'invite évidemment tous ceux qui sont désireux de se retrouver à ce grand moment d'amitié française. Voilà. Merci Jérôme. Maintenant, j'espère qu'il y aura du cochon. Il y aura de la viande en tout cas. Il y aura de la du saucisson. Saucisson et cochon. Et ça, c'est simple parce que c'est une façon de discriminer. Voilà. Très simple, voilà. On sait qui est qui. Hein. Bon, allez. Maintenant, on va juste un mot peut-être. Comment ? Juste un mot peut-être, oui. Sur Le Pen, il me semble. Oui. Avec toute l'amitié qu'on peut avoir historique pour Jean-Marie Le Pen, et il m'est éminemment plus sympathique que sa fille, on le sait bien. Je pense qu'il sera tout de même très difficile à un mouvement lancé par lui de prospérer pour de simples questions matérielles et d'argent, puisque le Front National est maintenant un rouleau compresseur qui dispose d'un financement public considérable, et que face à ça, ça n'est pas si facile d'agir, d'autant que les électeurs s'imaginent qu'il faut voter utile et qu'il leur semble être plus utile de voter pour le rouleau compresseur. C'est intéressant, parce qu'il est revenu à peu près à 1973, 74, voilà. C'est toute une jeunesse. Voilà, mais ça lui donnera peut-être une nouvelle jeunesse. Cela dit, il reste quand même une très grande voix. Enfin, bien sûr. Il n'est que de voir les réactions de la presse adverse. Quand le journal Challenge, qui dépend du groupe de l'Obs, titre sur le grand délire de Jean-Marie Le Pen, et qu'on lit l'article, et c'est d'une clarté, ce délire plutôt ciel, que tous les gens atteints de délire s'exprimassent avec cette lucidité et cette clarté. C'est vrai, quand on regarde ces blogs vidéo hebdomadaires, c'est remarquable. À 87 ans, presque 88 ans, au mois de juin, on aimerait à son âge, on atteint son âge, Dieu seul le sait, on aimerait quand même avoir sa qualité intellectuelle, sa clairvoyance, sa clarté. C'est assez remarquable, je dois dire. D'ailleurs, il fait du monde. Partout où il passe, il fait du monde. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde se l'arrache. Il était à un colloque de Civitas il y a quelques jours. Il vient au banquet de Rivarol. Après, il va au Renouveau, au congrès nationaliste du Renouveau français la semaine d'après. Donc, les gens se l'arrachent. Bon, parce qu'on l'aime bien sûr. Mais aussi, il faut reconnaître, parce qu'il fait du monde aussi. Il fait du monde et il le mérite par son talent, par son histoire. Et par son parler clair et vrai, surtout quand il dit « Nous sommes en guerre et dans une guerre... » qui tue gagne, évidemment, c'est très dur comme propos, mais c'est un rappel. Moi, ça m'a rappelé cette lettre admirable d'Albert Camus, pas Renaud Camus, Albert. Albert, en 57, donc là, quand il a reçu le Nobel, à Jean Grenier, où il dit l'Asie, l'Afrique, des continents attendent de se déverser sur nous des centaines et des centaines de millions, et nous, nous ne savons plus ni mourir ni tuer. C'est exactement ça. Et c'est Donc je vous dis, j'ai été frappée quand j'ai lu les propos de Le Pen, parce que c'était ce qu'avait tenu il y a 60 ans Camus, nous ne savons plus mourir ni tuer. Et je sais pas si vous avez... Et nous ne croyons plus, ajoute-t-il, et nous ne croyons plus. Oui, car sur d'autres plans, on s'est plus tué comme on ne l'a jamais oui, fait. On s'est tué, certes, les innocents et les faibles. Ouais. Oui, mais cette phrase de Camus, mais je ne sais pas si vous vous souvenez du très beau livre de Jean Raspail, bien avant le Camp des Saints, qui à mon avis est plus fort, c'est En secouant le cocotier, oui. Où il montre très bien toute l'incapacité de l'Europe à avoir la brutalité nécessaire, quand voilà. Il faut. On ne sait pas se défendre. Oui. Et c'est de la pseudo-charité, parce que la charité est évidemment la plus haute des vertus, mais ce n'est pas du tout ça. C'est de la faiblesse, de la lâcheté et de la bêtise. Je pense que ça remonte à la conjonction de l'entre-deux-guerres entre le socialisme et la démocratie chrétienne. Les vertus chrétiennes devenues folles. Comme disait Chesterton. Et à propos, sans transition, il y a quand même le sujet qui est le sujet, pas du jour, mais du mois, ce sont les attentats de Bruxelles. Alors justement, on y est en plein. Comment peut-on faire? Peut-être vous, je pose en premier la question. Bien le rapport pour tout le monde. Non, parce que j'ai un grand-père paternel wallon. En plus, et puis votre spécialité, c'était la politique étrangère quand même. Donc comment peut-on analyser aujourd'hui ces attentats de Bruxelles? Je pense que c'est par refus d'être stigmatisé. D'abord, la Belgique n'a pas eu de gouvernement pendant... plus d'un an, enfin, donc je pense que les organes, les ministères régaliens n'ont pas fait leur boulot. Avait-il envie de le faire? Je n'en suis pas très sûre, parce que il y a une telle lâcheté, un tel laxisme que... Enfin, c'est invraisemblable, après cette manifestation des hooligans. Oui. Qui a mis samedi, en transe, samedi dernier, je rappelle. Qui a mis absolument en transe, des deux côtés du Kievrin, qui a mis en transe toutes les journalistes, les hommes politiques, et le berger de la CFDT qui me semblait avoir d'autres préoccupations. Et où on entend un bourgmestre proche de la ville de Molenbeek qui dit... Jamais ce déplacement est désastreux pour l'image de la Belgique et de Bruxelles. Mais enfin, il y a eu quand même infiniment plus désastreux pour l'image. Il y a eu 32 morts, des centaines de blessés, il me semble. C'est que mauvais c'est pour l'image. Plus pour l'image. Touristique, oui, mais par ailleurs, ça vous fait un capital sympathie considérable. Oui, mais si les gens ne veulent pas venir parce qu'ils ont peur, ce capital de sympathie me paraît considérablement effrité. Il ne me semble pas qu'à Paris, il y ait moins de touristes. Je pense que ça... C'est pas ce que disent les hôteliers. Il y en a moins quand même. Oui. Ni les commerçants avenue de l'Opéra. Mais c'est peut-être dû à d'autres causes. La saleté parisienne et l'insécurité depuis plusieurs années. Parce que Paris baisse régulièrement depuis trois ans. Hein. Et j'ai entendu sur BFM TV un Belge, un Bruxellois qui était place de la Bourse, a allumé une petite bougie et qui disait que ce déferlement des néo-nazis, c'était pire qu'une troisième bombe. C'est pire qu'une troisième bombe. Mais... Enfin, c'est une inversion. une inversion intellectuelle grave. Et alors, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, il m'a semblé une chose très simple, c'est que, à la fois, le bourgmestre de Vilvoorde était au courant, le bourgmestre de Bruxelles était au courant, tout le monde était au courant, le ministre de l'Intérieur était au courant, et les néo-nazis, entre guillemets, dont certains étaient de gauche, d'ailleurs, ça, on ne l'a pas dit, sont arrivés avec une voiture, avec gyrophare devant eux. Pour les... Donc, pour moi, c'est... Enfin, je crois que c'est une manipulation policière et politique de façon à montrer des méchants pour avoir un réflexe. D'autres méchants. Voilà, d'autres méchants qui ne soient pas des gens des islamistes, des vrais méchants, alors des méchants d'extrême droite, c'est les méchants méchants, et qui, de façon à susciter un réflexe de. Vous souvenez ce qui a été crié sur le site. Après eux, c'est on a gagné Bruxelles multiculturelle. Oui. C'est pour susciter le même réflexe finalement qu'avec, comment s'appelle-t-il, avec Charlie. C'est toujours pour promouvoir le patriotisme mondial, je crois, il me semble. Hein. Ce qui rend d'autant plus criminel le fait d'encourager ce qu'ils appellent les migrants ou les réfugiés à venir par millions en Europe, puisque parmi ces migrants, on sait qu'il y a des terroristes. Et donc c'est une véritable folie criminelle de les faire venir. Alors on sait que l'Organisation des Nations Unies, depuis longtemps, a fait des rapports exhortant à ce que le vieux continent fasse venir par dizaines de millions... Dont 23 en France. Dont 23 en France. Oui. D'immigrés extra-européens. Et donc on voit très bien qu'il y a une volonté des organisations mondialistes, des États-Unis d'Amérique, de détruire l'Europe. C'est évident. Comme par exemple l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ou la volonté de s'en rapprocher, d'une façon évidemment de détruire le vieux continent. De toute façon, ça a toujours été le jeu de la politique américaine depuis un siècle. Hein, c'est clair, dans ce sens-là. Sauf qu'ils ont aussi leurs immigrés musulmans qui leur posent un certain nombre de problèmes et que les Américains de base ne sont pas. Ont les mêmes problèmes. Mais là, il y a autre chose. Strictement les mêmes préoccupations que nous. On parle de l'administration américaine, bien sûr. Et je crois qu'en plus de l'administration américaine... Les États-Unis sont un pays occupé comme nous, par diverses occupations. Je crois qu'il y a une chose qui croise, il y a la question américaine, mais il y a effectivement les organisations supranationales, quelles qu'elles soient, qui sèment volontairement le désordre et qui, de façon à détruire l'Europe. Mais ça, c'est vraiment la révolution mondialiste, c'est-à-dire l'utilisation... De l'immigration à une fin de révolution. Et avec des intérêts qui s'opposent, qui se croisent. Je pense notamment aux Pays-Bas, où on a suivi cette affaire, bien évidemment, de très près, puisque l'un des kamikazes n'avait pas été repéré, alors qu'il avait été signalé aux Pays-Bas par la Turquie, mais de manière tout à fait insuffisante. Généralement, ça se fait par un coup de téléphone. Là, c'était par un simple clic sur un tableau électronique. On avait signalé l'arrivée de cet homme qui était soupçonné d'actes terroristes en Turquie, qui est donc rentré en Europe sans aucune difficulté. Les Belges ont demandé des informations aux Turcs, ils ne les ont pas obtenues. Il y a derrière toute cette histoire beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses qu'on ne comprend toujours pas et qu'on ne comprendra sans doute jamais, parce que il y a dans les informations qui circulent des lacunes absolument incroyables. Ah, ça c'est ce qui est frappant depuis le début de l'affaire des migrants. Ça a été flagrant vraiment dans l'affaire de Cologne où ça a été organisé, la retention d'informations, mais toujours, on a des bribes d'informations, des morceaux de statistiques qui n'ont aucune valeur, d'ailleurs, généralement, et qui sont démentis trois mois après. Mais même les États entre eux, c'est-à-dire les Belges n'obtenant pas de la Turquie les renseignements nécessaires. C'est ça ce qu'on appelle l'Union européenne. Voilà. La Turquie n'y est pas pour le moment. Elle y est peut-être plus qu'on ne croit. Oui. Enfin, Le Drian, le ministre de la Défense, avertissait la semaine dernière que 800 000 migrants attendaient en Libye de franchir la Méditerranée. Mais il ne disait pas quelles mesures il allait prendre pour empêcher ce déferlement, parce que 800 000 personnes, c'est quand même pas mal. Et presque tous, tous africains, puisque la Libye était le point d'arrivée Du Sud. Du Sud, enfin du Grand Sud. Oui, du Grand Sud, ce que bloquait, puisqu'il a longtemps bloqué Gaddafi, qui n'est plus bloqué maintenant. Mais alors, la question est, où iront-ils, puisque à l'Est, ils n'en veulent plus, que même la Suède, qui est le bon élève de la classe, la Suède les renvoie maintenant. Oui, il y a eu des émeutes ethniques. Oui, bien sûr. Pour Pâques, le week-end de Pâques a été marqué à Stockholm par de violentes émeutes ethniques, dont... pour les gens qui s'informent sur Internet, dont Google n'a pas soufflé mot, dont les moteurs de recherche n'ont pas soufflé mot. Ils sont en panne, les moteurs alors de recherche sont en panne. Alors qu'ils avaient parlé en janvier d'une manif de 50 néo-nazis qui étaient... ça, c'est beaucoup plus important. Qui étaient arrivés à Stockholm pour faire la chasse aux criminels nord-africains. Ça, c'était très important. Très important, c'est mieux référencé. Tandis que des incendies, les flics lapidés, etc. On va être de plus en plus en face d'une entreprise globale de désinformation. Puisque les peuples se réveillent, il faut absolument les empêcher. Oui, Jérôme. Et avec une trahison de toutes les institutions, parce que, peut-être on en parlera plus tard, mais il y a aussi quand même la trahison active de l'Église conciliaire, puisqu'on a vu que François, pour le jeudi saint, à laver les pieds de migrants et de migrantes, dont certains d'ailleurs hindous, musulmans, quelques-uns étaient de confession chrétienne, et dans son allocution pour Pâques, il a dit clairement qu'il fallait accueillir plus de migrants, qu'il fallait ouvrir davantage les frontières, alors qu'elles sont déjà complètement démantelées, et tensant les pays occidentaux, des pays européens, en disant qu'on n'en accueillait pas assez. Donc ça, je crois que c'est très important, parce qu'en plus, c'est relayé par l'ensemble de l'Église conciliaire, puisque quand il est arrivé, moi, parfois, d'aller dans des églises, sur les table de presse, et on voit très bien, j'ai vu dans la Nièvre, mais c'est passé un peu partout ailleurs, où l'évêque local, où ce qui en tient lieu, en quelque sorte, organise, crée des associations d'accueil des migrants. Et d'ailleurs, je crois que l'effort de carême, ça n'était pas d'essayer de lutter contre ces vices ou de jeûner, mais c'était d'accueillir des migrants de préférence chez soi, d'ailleurs, et c'était vraiment explicite. Et des migrants, dont la plupart sont mahométans, et naturellement, il n'y a aucune volonté même d'essayer de les convertir. Ce serait un gros mot même d'employer ce terme. Par conséquent, je crois que c'est quand même très important, parce que si les millions de baptisés catholiques, ou avec tous les guillemets nécessaires qu'il faut mettre, s'ils étaient dans le sens de l'antimondialisme, du refus de l'immigration, de l'islamisme, de la défense de la civilisation, de la religion chrétienne, sans aucune concession, comme on l'a eu pendant des siècles, on n'en serait peut-être pas là. Donc ça, je pense, c'est un élément essentiel. C'est pas le seul, bien sûr, mais c'est un des éléments essentiels du problème qui est souvent... qui est souvent occulté, et le vide spirituel que nous vivons a évidemment une importance colossale, parce que à une foi on oppose une autre foi, un fanatisme à un autre fanatisme, dans le bon sens du terme, et le vide total... Pas forcément un fanatisme, une foi, une autre foi, je suis d'accord. Oui, enfin, cela dit, les apôtres et les martyrs qui se faisaient massacrer dans les cirques romains, dans le cirque romain ou autre, d'aucuns diraient aujourd'hui que c'était des fanatiques. Mais ils ne le rediraient pas à bon droit. Non, certainement pas, ce n'est pas le même type de martyr. Ils avaient une flamme. Oui. Mais ça fait très longtemps quand même que l'Église soutient l'immigration, parce que vous vous souvenez peut-être, j'en ai fait un billet dans présent, de Roger Knowles, qui avait été le bourgmestre de Skærbæk. Skærbæk, oui. Et pendant... il a été très violemment... Il s'inquiétait énormément, il avait donné à Rivarol des interviews, il avait fait venir Le Pen chez lui, il s'inquiétait énormément de l'invasion dans sa commune. Mm-hmm. Et il a été absolument ostracisé par l'Église et viré du Parti libéral. Oui, mais la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que ces migrants qui arrivent, ils arrivent... désarmés, ou en tout cas apparemment désarmés, et pauvres, et réclamant, et oui, réclamant une aide. Et c'est extrêmement, on peut appeler ça habile, mais le fait est que c'est difficile de les considérer comme des gens armés. Ce qui manque, c'est certainement une réelle politique face à l'immigration, une réelle fermeture des frontières, et une réelle volonté missionnaire aussi, parce que c'est là-bas qu'il faut essayer de les convertir. Ça, c'est notre foi qui nous le dit. Absolument. Moi, j'ajouterais à ça, c'est, après on va passer à autre chose, mais j'ajouterais à ça que je ne suis pas entièrement d'accord avec vous, Jérôme. C'est, je trouve très bien que François fasse le lavement des pieds. Là où Des femmes, c'est quand même aberrant. C'est complètement aberrant. Mais la question est qu'il ne faut pas confondre le devoir de charité dont parlait Jeanne à l'instant avec avec des questions politiques qui n'ont strictement rien à voir. Et je suggérerais à toutes les éminences de l'Église actuelle de relire la constitution de Pie XII qui fonde absolument le droit des migrants et des pays d'accueil en fond d'un droit catholique et qui est remarquable parce qu'il reconnaît le droit d'asile, il le reconnaît même très extensivement, mais il l'a sorti de conditions précises, concrètes et de la volonté ou de l'assentiment du pays d'accueil, et il en fait quelque chose de politique. Pour moi, le drame de l'Église actuelle, c'est qu'elle profanalise tout, elle sécularise tout, elle confond elle les émotionnalise ordres, elle confond le temporel et spirituel. Il faut bien sûr avoir de la charité pour tout le monde, il ne faut pas ouvrir les frontières à tout le monde. Le Christ n'a jamais dit, il a dit allez enseigner toutes les nations. Il n'a pas dit faites venir toutes les nations en Judée. C'est tout simple, hein, c'est pas compliqué. Donc actuellement, là où je rejoins complètement Jérôme, c'est que beaucoup de prélats aujourd'hui sont dans une espèce de confusion mentale qui est assez attristante et qui donne vraiment du grain, apporte de l'eau au moulin des mondialistes et qui sont objectivement une catastrophe pour l'Europe. Il y aurait intérêt que tous ces prélats rentrent en eux-mêmes, aillent au désert, prient et cessent de faire une politique qui est complètement assommante et aberrante. Et Jean Raspail en parlait très bien. Jean Raspail qui est un bon catholique. Et oui. je voudrais ajouter quand même, on peut se plaindre et on doit se plaindre, et c'est normal. Par exemple, pour les Calaisiens, de se plaindre de ce qui leur arrive, mais comme le notait une journaliste américaine, j'aurais envie de leur demander où sont-ils le dimanche? Sont-ils à l'église? Et nos églises sont vides. Et c'est aussi notre vide spirituel qui fait ça. Mais il y a aussi des raisons si les églises sont vides, parce qu'on a changé la messe, on a changé le culte. Et puis, il faut voir ce qu'on dit également à la messe. Quoi. Je veux dire, si pour entendre la même chose qu'à la radio, à la télévision, je veux dire, c'est. Voilà. Alors là, ça dépend. Soyez dans l'espérance, comme disent les autres. Dirait l'autre, parce que ça dépend des endroits. Il y a aujourd'hui des jeunes prêtres, c'est bien que vous n'êtes pas conciliaire, mais il y a des jeunes prêtres qui sont tout à fait différents de ce que nous avons déjà connu. Déjà, sont-ils prêtres, parce qu'il y a le problème de la validité des ordres, et puis de toute façon, c'est quand même Vatican II, toujours, qui est au programme. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat. On va continuer. Sur les attentats de Bruxelles, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter, Camille? Je pense qu'ils étaient... prévisible et que malheureusement ce ne seront pas les derniers non plus. Est-ce que la phrase de Huffington Post est juste, c'est-à-dire le terrorisme va être notre nouvel état normal? C'est-à-dire l'idée générale de ça, c'est que voilà, maintenant la ligne de guerre, il n'y a plus de guerre extérieure, sauf celle qu'on mène en Syrie, mais c'est pas extérieur, c'est pour rétablir la démocratie. La ligne de guerre passe partout, le choc d'utilisation est interne, donc partout ce sera le désordre, mais la police, partout ce sera le terrorisme, et ça va nous apprendre à vivre ensemble. Tout ça, encore une fois, ça rentre dans la dialectique mondialiste, à mon avis. Mais il y a quand même le fait que dans de nombreux pays, comme le Pakistan, comme l'Afghanistan, comme l'Irak, le Nigeria, ça saute tout le temps. Oui, il y a des bombes tout le temps, dont personne ne parle plus. Quelques centaines de Nigérians catholiques ou chrétiens massacrés, ça fait quelques lignes dans un coin de journal. Ce qui arrive chez nous paraît terrible, mais pourrait être amené à se développer de telle manière que cela s'est déjà développé dans ces pays-là. Et finalement, puisque nous exportons les peuples, puisque nous importons les peuples... Mais là, ils n'ont et même malheureusement, pas besoin... nous importons aussi certaines traditions. Puis il faut dire aussi que les Occidentaux ont une part, du moins les gouvernements occidentaux, une certaine responsabilité, parce qu'on a, mis à feu à sang toute une partie des régions du monde. Qu'est-ce qu'on est allé faire en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Mali, en Libye? Donc il est évident qu'à chaque fois on sème la mort à la désolation. Hein. C'est quand même des centaines de milliers de femmes, d'hommes, d'enfants qui meurent, qui sont mutilés, etc. Donc à un moment donné, on paye, hein, je veux dire, ça aussi. Donc le terrorisme, c'est l'arme du pauvre. C'est pas du tout pour justifier quoi que ce soit, hein, que je dis ça, bien sûr. Mais je veux dire, il faut aussi, je crois, voir les choses le plus objectivement possible. Et donc, ces guerres qui ont été faites pour des motifs peu nobles en général, et souvent cachés, eh bien, je pense que ça a des conséquences aussi. Ça n'est pas, évidemment, ça n'est pas la seule explication. Et ça n'est pas valable partout. Exact. Mais c'est un des éléments. Il est 20h05. L'Érythrée ou le... C'est vrai. Il est 8h05, je vous rappelle que vous écoutez le libre journal de la liberté surveillée, le club de la presse avec Jeanne-Smith, Jérôme Bourbon et Camille Gallic. Je vais lire maintenant quelques messages d'auditeurs. Pouvez-vous préciser l'adresse de Polémia, soit 60 rue Jean-Jacques Rousseau, 92 500 ruelle Malmaison. Jean-Marie Le Pen, c'est le bon sens dans l'absolu. Oui, c'est pas faux. Une petite annonce encore. Le 6 avril à 19h30, au Salon des États-Unis Opéra, 16 rue... 16 rue Dantin, 75002, une conférence de synthèse nationale avec, comme conférencier, Bruno Maigret, qui viendra parler de son roman « Le temps du phénix ». Entrée 5 euros. Une question sur le général Piquemal, dont je ne sais pas grand-chose, mais je vais vous la soumettre. Pouvez-vous dresser le profil de cet énigmatique général Piquemal, dont finalement nous ne connaissons rien, nous entendons tout et son contraire à son sujet? Éclairez-nous, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut éclairer? On sait qu'il est général de la Légion, qu'il a été général de la Légion, qu'il est... Enfin, qu'il a été, qu'il a commandé la Légion. Apparemment, il n'est pas un légionnaire. D'accord. Il a commandé. Parce que des légionnaires m'ont dit qu'il n'était pas légionnaire d'origine. Il a commandé la Légion. Et il a quand même été au cabinet militaire de deux présidents de la République socialiste. Lesquels? Mitterrand. Et non, le Premier ministre, de Rocard et de Jospin. D'accord, ce sont des éléments d'information. Autre élément d'information, c'est vrai. Et on m'a dit qu'il avait participé à toutes les réunions préparatoires à la manif de Calais et qu'il savait très bien qui y assistait ou qui n'y assistait pas. Alors qu'il a assuré ensuite, lors de sa garde à vue, qu'il ne savait pas du tout quel serait le déroulement. Donc il s'est dégonflé, en quelque sorte. Je le crains. Et ça, c'est un peu le problème souvent des officiers qui savent obéir, qui ont un certain nombre de qualités militaires, mais sur le plan politique, c'est plus difficile, souvent. Ouais. On l'a vu même au moment de l'OS, hein, où je dirais, les généraux essayaient de faire un effort, mais on a l'impression qu'ils voulaient garder l'Algérie pour la donner à De Gaulle, quoi, finalement, qui évidemment n'en voulait pas. Et ça c'est un problème. Et je veux dire que de ce point de vue-là, De Gaulle, aussi détestable soit le personnage, il avait une dimension politique incontestable. On peut pas nier qu'il avait une habileté politique, mais malheureusement, elle est assez rare, sans vouloir faire de généralité un peu facile, mais elle est quand même assez rare, semble-t-il, chez les officiers. Chacun son métier, peut-être. Bah, il était très politique. Il était plus politique que militaire. Oui, il était plus politique. Et même politicard. Oui, beaucoup plus politique que militaire. Il suffit de voir ses relations avec Paul Reynaud et quand il fait le siège de Paul Reynaud pour obtenir un Marocain. Mais il était habile pour faire carrière, ça, c'est clair. Alors on va un peu parler de tout et de rien, mais sur un nombre beaucoup de sujets pour vous, Jeanne, des sujets un peu religieux ou autour. Je voudrais qu'on parle des procès qui sont en cours contre la griffe. Ah non, c'est la griffe qui mène des procès contre... Alors, la griffe, il faut préciser que cela signifie alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. C'est un mouvement antiraciste reconnu. En fait, ça a été le coup de judo, de judoka de Bernard Anthony que de faire une association qui jouisse des mêmes droits judiciaire, et notamment celui de que la LICRA des procès, et compagnie. De déclencher des procès, que la LICRA, le MRAP, SOS Racisme. Cette recevabilité de la griffe est totalement acquise. Et oui, j'aimerais bien en parler quelques secondes. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires en cours, et notamment une affaire contre les Femmes. Alors les Femmes, on se souvient de leur irruption contre une manifestation qui avait été faite par Civitas et d'autres mouvements plutôt catholiques dans l'ensemble, le 18 novembre, contre le mariage pour tous, et quelques 9-10 Femmes dépoitraillées, portant des voiles de nonnes, comme on dit quand on est irrespectueux, des voiles de religieuses, et des porte-jartelles. Elles avaient fondu sur une foule composée de familles, d'enfants, de poussettes, tout ce que vous voulez, avec des aérosols, avec des inscriptions insultantes pour les chrétiens. Et la griffe a porté plainte. D'ailleurs, seule, la griffe n'était pas mandatée par Civitas ou quiconque, c'est la griffe qui a porté plainte parce que c'était une atteinte contre les catholiques en tant que telle. Et alors là, j'ai assisté à l'audience, c'était tout à fait passionnant parce qu'à la 17e, il y avait 6 Femmes. Il n'y avait pas la principale d'entre eux, qui est Ina Shevchenko, qui n'avait pas jugé utile de venir. Elle est sur les timbres. Elle est sur les timbres, ça lui suffit. Il y en avait 6 autres qui, toutes, d'une façon ou d'une autre, avaient quitté le mouvement parce qu'elles n'étaient plus tellement d'accord, parce que ça ne correspondait plus. Enfin, ça en dit assez long, je pense, sur ce mouvement. Et en ce mouvement, Jeanne, excusez-moi, oui, qui est financé par Georges Soros. Tout à fait, Camille Gallic. Donc, un financier international, et révolutionnaire. Mais certainement, et c'est tout à fait l'objectif de ces Femmes. Il y avait notamment Héloïse Bouton, qui par ailleurs avait fait une action à l'église de la Madeleine, simulant un avortement. Avec un foie d'animal. Enfin bref, c'était... meilleur goût. Ce ne sont pas des femmes qui apprécient les catholiques, et elles le font bien sentir. Mais là, c'était l'occasion pour elles de dire que non, c'était pas du tout contre la religion ou contre les catholiques qu'elles en avaient, mais contre les intégristes méchants. Et là, j'ai eu la surprise au tribunal de voir Madame le président du tribunal s'adresser une à une à ces femmes et de leur dire mais qu'est-ce qui vous motive? Pouvez-vous nous expliquer votre engagement féministe? C'était très complaisant. Et la madame le procureur, mademoiselle le procureur, disant « Mais enfin, vous étiez 9 contre 9000 !» Finalement, vous étiez très courageuse. Et puis, on a appris, mais on le savait déjà, que la laïcité est constituée par le droit au blasphème et que le blasphème est constitutif de la laïcité. Sans blasphème, vous ne pouvez pas avoir de laïcité. Donc, toute cette affaire où l'on dit des tonnes d'injures contre les catholiques, que je ne vais pas répéter ici, parce que d'une part, ce sont des blasphèmes et que d'autre part, ils étaient en anglais, donc ça me coûterait trop cher. Oui, eh bien, ça a été blanchi par la 17e chambre au terme d'une audience de 5 heures où, comme je vous l'ai dit, on a donné largement la parole aux Femmes. Ça illustre très bien ce que dit Jean-Yves Le Gallou tout à l'heure. C'est la collusion totale de la justice avec le mouvement révolutionnaire. Alors, totale, je ne sais pas. Je pense que ça vaut encore le coup de se battre. Comme en Russie soviétique, on se battait avec les lois contre l'État. C'est légitime et je pense que c'est une bonne chose de le faire. Parce que parfois ça marche, et ça enfonce des coins. Là, ça a en tout cas révélé, comme vous le dites, Martin Pelletier, cette collusion, cet extraordinaire abaissement devant une série de femmes qui véritablement avaient pour objectif de blesser, de faire mal à la fois des catholiques. L'avocat de la griffe, Jérôme Triomphe, a rappelé qu'Ina Shevchenko, pour ne nommer qu'elle, a été filmée en train de scier à la tronçonneuse une croix en Ukraine, une croix commémorative du goulag. Tout ça, ce sont des symboles forts et ça permet de les graver finalement dans le marbre, de les rappeler. J'ai vu cette affaire-là, j'ai vu l'affaire de Nick La France, où un jeune rappeur et des jeunes qui ont écrit un livre montrant des photos de beurre et de beurrette faisant des doigts d'honneur à la France, eh bien tout ça a été blanchi aussi parce que il n'y avait pas d'autres, petites affaires Act Up. Il y a d'autres affaires. Il y a, alors celles-là sont en cours. Il y a Act Up qui avait promis aux manifestants de la manif pour tous des planches et des clous. Eh bien, vous savez, c'est tout à fait innocent. D'ailleurs, on se demande même si c'était pas leur propre cercueil dont ils parlaient. Enfin, on assiste à des scènes tout à fait saugrenues en justice, et je vous assure que ça vaut le coup. Et je vous assure que ces combats de la griffe qui, une fois de plus, défend les chrétiens, qui défend tous les chrétiens, quelle que soit leur couleur, et qui défend tous les Français, elle se heurte devant la justice à des d'extraordinaires argumentations qui n'en sont pas. Mais c'est important que ces propos soient tenus parce que ça montre la faiblesse de raison et la faiblesse du combat de ceux qui nous sont opposés. Enfin, Bernard Anthony, malheureusement, bien que la griffe et ses statuts puissent ester en fonction de ces statuts. Plus que ça, a déclenché des actions. N'a pas eu la chance de mettre Jakubowicz, le président de la LICRA, qui a été invité à s'adresser au commissaire, à une nouvelle promotion de commissaire de police. Peut-être que demain, les dîners de la griffe font autant de monde que les dîners du griffe. Permettez-moi d'en douter. Et d'ailleurs, franchement... 700 personnes. Franchement, je ne crois pas. La griffe a fait 500 pour son déjeuner. Mais il n'y avait pas... Pas le président de la République. Non, il n'y avait pas Sarkozy. Il n'y avait pas les ministres. Il n'y avait pas les ministres. Mais 500 personnes quand même. Mais non, Bernard, commissaire de police, j'ai du mal à l'imaginer, vous savez. Non, mais il est certain qu'il y a une véritable haine antichrétienne qui est frappante. D'ailleurs, on l'a vu même ce qui s'est passé le dimanche de Pâques au Pakistan, là où vraiment des enfants chrétiens étaient ciblés dans une aire de jeu là, par un groupe islamiste. Et on ne peut pas dire quand même qu'on en ait beaucoup parlé dans les médias. Et le maire de Paris, Anne Hidalgo, a refusé d'illuminer la tour Eiffel aux couleurs du Pakistan. Je ne sais pas si c'est opportun de le faire, mais disons qu'elle l'avait fait pour Bruxelles. Ils le font pour des événements sportifs, des événements ludiques sans importance. Et là, elle dit de toute façon, il y a des attentats souvent dans le monde. On peut pas. C'est un acte exceptionnel d'illuminer la tour Eiffel. Mais enfin, imaginons si ça avait été des enfants juifs qui avaient subi ce sort. Alors là, je crois qu'on aurait BHL aurait été sur le plateau télé pour dire il faut déclarer la guerre au Pakistan. Enfin, il y aurait des manifestations de rue tous les jours. Toutes les émissions de radio et de télévision auraient été dessus. Mais il ne s'agit que d'enfants chrétiens, donc ça n'a aucune importance. Alors que c'est délibéré, c'est revendiqué d'ailleurs par le groupe. Ils ont voulu viser des chrétiens. Et des chrétiens dans ce qui est le plus innocent. Ils ont tué aussi des musulmans. Mais il faut signaler, parce qu'il faut être juste, que Libération a fait un très bon article sur ces attaques et sur ce que vivent les chrétiens au Pakistan. J'étais étonnée, c'était très bien fait. Vous analysez ça comment De la part de Libération, oui. Eh bien, allez savoir. Je pense qu'il y a, chez chaque homme, il y a quand même un fond d'humanité et un fond de compassion devant ces souffrances. Et puis, il faut se rappeler aussi que ce sont des féministes qui ont pris la défense d'Asia Bibi, la fameuse catholique qui est incarcérée au Pakistan pour prétendu blasphème. Alors, il faut évidemment poser la question de savoir quelle est la motivation profonde de certaines de ces mobilisations. On sait très bien que lorsque ce sont des mobilisations féministes, comme dans le cas d'Asia Bibi, il y a un peu un détournement. Il y a une volonté de parler de liberté d'expression totale, de laïcité et d'un certain nombre de choses que nous ne partageons pas forcément. Mais bon, au moins, Libération a parlé des chrétiens au Pakistan en des termes corrects. Et ben, moi, j'aimerais qu'on déplace un tout petit peu le curseur et le zoom, qu'on le déplace sur les chrétiens d'Orient actuellement quand même. Il me semble qu'ils sont très nettement, le Proche-Orient, ils sont très, très nettement au cœur de cible. Hein. Autant ils ont du mal à être accueillis en Europe, relativement, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Yves de Galou, autant là, sur place, ils sont en pleine tourmente. Est-ce que vous croyez, je parle au point de vue de la politique étrangère, est-ce que vous pensez qu'il y a actuellement une volonté ou un plan d'éradication des chrétiens du Proche-Orient ? Je pense que l'islam a toujours été éradicateur des autres, non seulement des chrétiens d'Orient, mais des yazidis, des chiites, oui. Je crois qu'il y a, l'islam est une religion d'avancée sans cesse, je crois. Alors, elle avait connu un certain sommeil depuis que l'Empire ottoman était l'homme malade de l'Europe. Donc, pendant 2 ou 3 siècles, il y a eu un point de sommeil, ou encore que l'affaire du Mahdi au Soudan, au 19e siècle, ça a été, l'Afrique a failli basculer. Donc, il y a toujours le front Moro aux Philippines. Depuis que je m'intéresse à la politique étrangère, j'ai toujours entendu parler des attentats du front Moro dans le sud des Philippines. Absolument. Donc c'est pas nouveau, ça nous intéressait pas, mais ça existe. Le génocide des Arméniens. Le génocide des Arméniens, des Grecs, enfin, les Assyro-Chaldéens. Justement, je rebondis sur les Assyro-Chaldéens. Là, il y avait certainement des Kurdes dans la manœuvre, mais il y avait derrière l'intelligence service. Alors, oui. La question est la suivante. Bien sûr que l'islam a cette tendance, mais est-ce que vous croyez que le plan d'éradication a ses... ou bien ses complices, ou même ses inspirateurs en Occident? C'est ça ma question. Certainement, quand on voit par exemple que les gouvernements, les États qui protégeaient les chrétiens d'Orient, l'Irak de Saddam Hussein, la Syrie de Bachar el-Assad, on voit très bien que ce sont les ennemis des États-Unis d'Amérique, de l'État d'Israël, de manière extrêmement claire. Et on voit très bien que le fait d'avoir éliminé Saddam Hussein en Irak et la volonté de fragiliser et d'éliminer si on le pouvait Bachar el-Assad, on voit très bien que c'est au détriment des chrétiens d'Orient, des chrétiens de ces pays-là. Donc je pense qu'il y a une volonté très nette d'un certain nombre de gens dans l'administration américaine et ailleurs, dont les sentiments, disons, oui, sont enfin, pas favorables. Les Français aussi, parce mais que oui, mais les Français, ont abandonné leur... Accords Sykes-Picot, ça... Les accords Sykes-Picot sont encore compréhensibles. C'est après que la France abandonne son rôle... Elle donne à la Turquie le Sanjak d'Alexandrette. Ou même dès 1920, quand on donne la responsabilité des lieux saints à l'Angleterre, qui n'a aucune raison d'y être. Voilà. Donc là aussi, il n'y a pas que l'Amérique, il y a malheureusement j'ai lu récemment la France. Que... C'est la République maçonnique, la troisième République. Oui, j'ai lu récemment que Léon Blum, justement, qui était à l'époque au cabinet de Marcel Samba, avait fait du lobbying pour que ce soit la Grande-Bretagne qui prenne le mandat. C'est amusant comme les choses se retrouvent quand même. Oui, enfin, sans dire méchanceté. Il faut tout de même souligner qu'aujourd'hui, Obama est beaucoup plus proche d'Iran que d'Israël, et ça c'est une évidence aussi. C'est vrai aussi, mais la politique globale qui s'est menée sur les 30 dernières années est claire. Et ce qui est le plus frappant, moi je suis d'accord avec Camille, c'est que la France ne joue plus du tout le rôle historique qu'elle a joué. Au moment où, de la bataille de Lépante, le Grand Turc était... reçu à Versailles. Il faut quand même pas l'oublier. Pas à Versailles, mais... Enfin, à quelques années près, mais... Oui, mais cela dit, nous jouions quand même notre rôle de protecteur des chrétientés d'Orient, tout en ayant une politique de bascule pour vaincre la maison d'Autriche. Mais c'est un peu différent. C'était de la politique, de la géopolitique par billard à bande. Mais ce n'était pas de la trahison des chrétiens d'Orient. Parce que Napoléon III a été libéré de la montagne libanaise, pas plus tard qu'en 1863, si mes souvenirs sont bons. Ça montre que très longtemps, en fait, la France a joué son rôle. La rupture, c'est la Troisième République, de ce point de vue. C'est ça, c'est la Troisième République. Mais je voudrais rappeler quand même, à propos des chrétiens d'Orient, mes parents ont vécu quelques années en Turquie, j'y allais souvent. C'était à l'époque toujours du gouvernement laïque, donc avant l'arrivée de l'islamisme actuel. Eh bien, dans cette république laïque turque, les chrétiens n'avaient quasiment aucun droit. Les quelques dizaines de milliers qui pouvaient subsister n'avaient strictement pas le droit de prêcher l'évangile. Et ils n'avaient pas accès à certains emplois et ils étaient pratiquement persécutés, de manière légère, si on veut. C'est la différence, justement, entre le gouvernement turc franc-maçon et les parties basses, qui n'étaient pas comme ça en Syrie et Irak, qui n'est pas non plus parfait. Non, parce que en Syrie, ça n'était pas non plus. Si on lit l'histoire de Joseph Fadel, les chrétiens en Syrie avaient quand même intérêt à faire attention à ce qu'ils faisaient et ce qu'ils disaient. Mais attention, hein, moi j'étais quand même, c'est un peu différent, c'est pas du tout comme en Turquie. Ah, ce n'est pas la même chose. La Turquie se plaçait davantage sur un plan religieux pour... D'homogénéité ethnique, tandis que les régimes basses n'aimaient pas les chrétiens quand les chrétiens se mêlaient de faire de la politique. Une politique qu'on ne leur convenait pas. Qui était notamment trop pro-occidentale. Voilà. C'est tout à fait un peu différent. Mais il est vrai que, par exemple, la communauté chaldéenne d'Antioche ne doit plus compter maintenant que quelques milliers. À Antioche, ça doit être dans les moins de 50. Mm-hmm. Mais l'église est... Ah pardon, je confonds. L'église je qui est immense et pratiquement, il n'y a plus que quelques... À propos d'islam et d'islamisation, connaissez-vous l'attitude des imams de France après les attentats qui ont eu lieu en Belgique? Est-ce que quelqu'un a des éléments d'information? Moi, je dois dire que je n'en ai pas. Et donc, si personne n'en a, on va passer. On cite toujours l'imam de Bordeaux, Tobrou, Le copain qui a dit que c'était Juppé. Très triste. Ah, quand même. C'est bien triste. Alors, on va changer complètement. On va partir pour les États-Unis. Et on va parler de la campagne des primaires, et notamment de ce brave Donald Trump. Qu'est-ce que vous pensez de la dernière affaire, l'affaire de Michelle Field, cette reporteuse qui s'est plainte d'avoir été presque jetée à terre par le directeur de campagne de Trump? On connaît ça. Ça m'a rappelé l'affaire de Mantes-la Jolie. Il n'a pas dit on en a marre pourtant. Ou même à l'époque du BBR. Il ne parlait pas français. Chaque fois, des journalistes se plaignaient d'avoir été molestés, insultés, souvent de manière exagérée ou inventée. Donc on voit très bien que on l'a vu le dernier 1er mai quand Canal Plus a été poussé des hauts cris parce que Golnisch avait donné un coup de parapluie sur un micro, perche d'un micro. Mais ça, c'est scandaleux. Non, mais là, il n'a pas eu de chance, la pauvre fille, parce qu'ils ont bien sûr tous crié, mais il y avait des caméras et la scène a été filmée. Donc, on voit bien que c'est ça qui est intéressant. Comme les Américains sont pas mal pour ça, ils filment en permanence. Le montage se démonte tout seul avec les images. Mais ça ne me rend pas Trump plus sympathique, pour être honnête. Mais les méthodes employées contre lui sont parfaitement calquées sur celles qui étaient employées contre Jean-Marie. Et on voit très bien que le Parti républicain est vraiment contre lui, puisqu'on essaye de trouver des astuces, des artifices, des arguties, pour que s'il n'obtient pas le nombre exact de délégués, de la majorité absolue des délégués, on trouve un candidat de substitution, voire même qu'on défalque certains États. Donc, on comprendrait dans ce cas-là qu'il soit candidat indépendant. Si jamais il n'était pas choisi. Mais là, ça assure un triomphe à Hillary Clinton, évidemment. Je crois que malheureusement, il s'est assez mal parti. Est-ce que vous croyez qu'on va, Camille, vers une convention négociée chez les Républicains? Ou est-ce que vous pensez qu'il peut encore avoir la majorité? C'est un peu tôt pour le dire, encore. Oui. Mais vu le tir de barrage qu'il y a, je crois que ce sera quand même difficile, qu'il atteigne la majorité absolue, à moins d'une surprise. Parce qu'il y a des attaques de plus en plus fortes maintenant, y compris ces réunions publiques qui sont attaquées, certaines qui ont dû être annulées. Là, on voit vraiment... Ce qui, d'ailleurs, moi, me le rend un peu plus sympathique parce que je me dis que ça prouve qu'il a quand même une certaine indépendance, quand même. Et d'ailleurs, le fait que David Duke le soutienne, je trouve que c'est quand même un élément intéressant. D'ailleurs, dans son discours de l'EPAC, là, qui, malheureusement, aux États-Unis, était un discours obligé devant l'espèce de congrégation juive très puissante américaine, il a fait le service minimum. Et Duke a dit, il ne faut pas tenir compte de ce qu'il dit, c'est le minimum qui qu'il pouvait faire, mais globalement, il pense bien. Bon, j'avoue que j'ai assez confiance sur ce plan dans le jugement de David Duke. Bon, mais encore une fois, on ne fera pas de personnage un sauveur. Mais enfin, quand on essaie de le faire passer pour un imbécile ou quelqu'un de stupide, c'est ridicule. Il a quand même bâti un empire. Il a beaucoup perdu aussi. Il faut quand même beaucoup de qualité pour cela. Il a beaucoup perdu. Et son indépendance financière me paraît quand même très important, parce que on est dans un monde où si on n'est pas indépendant, c'est très difficile de dire ce que l'on pense. Et je pense que les gens qui ont la chance, c'est rare, d'avoir une indépendance financière, je trouve que c'est une chance extraordinaire, parce que, alors évidemment, ça n'est pas une garantie absolue, parce que regardez même Dieudonné, qui est assez fortuné, il y a des perquisitions sur le plan fiscal, des poursuites, des contrôles. Je crois que Jean-Marie Le Pen lui-même, je veux dire, a eu plusieurs injonctions fiscales la veille de Noël. Je crois qu'il a eu des dizaines de contrôles fiscaux depuis une quarantaine d'années. Donc de toute façon, on peut toujours, même quand on a de l'argent, on le voit même avec Bettencourt, on peut toujours de toute façon chercher des poux dans la tête. Mais enfin, malgré tout, ça rend quand même plus indépendant pour prendre des initiatives. Enfin, quand on voit l'exemple de Rockefeller, ancien qui avait été candidat à la présidence, enfin chez les Républicains, comme exemple d'indépendance. Si on pense bien, malgré sa fortune. La question est de savoir si Trump pense. A priori, parce que son programme est quand même des plus succincts, il n'y a pas grand-chose. La politique étrangère, c'est pas mal quand même, parce que ce serait plutôt un retour vers une forme d'isolationnisme, un rapprochement avec la Russie de Poutine, une lutte contre l'immigration, un retour à des valeurs traditionnelles de l'Amérique, ça me paraît pas si mal. Je crois que vous n'avez pas résumé son programme, vous l'avez exposé de manière tout à fait extensive, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus dedans, et que cet homme s'est construit grâce au mondialisme. Il s'est construit. Il a fait ces millions dont il est si fier et qui le définissent et qui sont l'horizon absolu de ses espérances. Il a bâti sa fortune sur le libre-échangisme, sur les délocalisations, l'emploi d'immigrés illégaux. Ça ne lui fait pas peur du tout. Et toute sa notoriété lui vient quand même de la presse de gauche américaine qu'il a adulée pendant très longtemps. C'est vraiment un homme de l'établissement américain. Je crois qu'il ne faut pas maintenant, il s'en libère. Il s'en libère, mais pour combien de temps, puisqu'il a aussi bien financé, et en même temps Clinton que son opposant, il a financé à droite et à gauche en disant très clairement, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on me donne des permis de construire et que finalement... C'est un peu le Dassault américain, Dassault, je le connais beaucoup moins bien, je n'ai pas suivi ses aventures. Celle de Trump, j'ai essayé de suivre un petit peu, et franchement, ça vous n'y croyez pas, c'est un leurre. Non, je pense que c'est un parfait homme. Pardonnez-moi, cher cochon de Radio Courtoisie, c'est un parfait homme de marketing. Il sait. Alors, on disait la même chose de Reagan, et on peut pas dire quand même qu'il a quand même fait deux mandats. Mais il avait des convictions. Ça n'a pas été le plus mauvais des présidents. Oui, mais c'est lui qui a institué le Martin Luther King Day. Hein. Aussi. Que personne ne l'avait n'y avait pensé avant. Enfin, il me semble que c'est quand même le moins mauvais des candidats républicains, de très loin, me semble-t-il. Et le fait qu'il soit attaqué de cette façon-là me paraît quand même... Alors, j'ai vu quelque chose d'amusant ce matin. C'est une petite vidéo de Ted Cruz qui parle de la visite d'Obama à Cuba et qui souligne comment Obama ne parle absolument pas des dissidents, des damans blancs, de toutes ces personnes qui souffrent du communisme depuis des années, tandis que Trump, la seule chose qu'il a trouvé à dire, et sur 8 ou 9 minutes, c'est un long extrait de son discours, « Ah, mais Obama est allé à Cuba, il n'a même pas été reçu à l'aéroport, c'est un scandale. » C'est un peu court comme jugement politique. En tous les cas, Jean-Marie Le Pen a fait un tweet pour dire que s'il est américain, il voterait Trump, et le fils de Trump l'a retweeté sans aucun commentaire dépréciatif, au contraire. Donc on vous dirait peut-être qu'il ne connaît pas assez la politique française, mais il est possible, quand même, j'ai quand même du mal à croire qu'on ne le connaisse pas du tout. Et donc je trouve que de ce point de vue-là, il a quand même certaines audaces. Je trouve que le fait de refuser de condamner Duke, le Ku Klux Klan par principe, je trouve que c'est quand même des audaces qui sont quand même à mettre à son crédit, me semble-t-il. Non pas que je sois un défenseur du Ku Klux Klan par principe, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Mais disons que ce que je veux dire par là, c'est que il n'a pas attaqué sa droite, si j'ose dire, et c'est si rare. Il a fait pire, il a simplement dit qu'il ne connaissait pas. Oui, mais c'est plutôt sympathique, je crois que ça n'est pas si mal sorti. Je pense qu'il a de meilleures idées que n'en avait le précédent candidat indépendant, Ross Perot. qui lui me paraissait beaucoup plus à gauche. À gauche. Trump a été à gauche, le sera peut-être un jour. Il a été très fluctuant. Un pêcheur. Je vois que votre sévérité ne diminue pas. Il est 20h33, vous écoutez le libre journal de la liberté surveillée, en particulier le Club de la Presse, avec Camille Gallic, Jérôme Bourbon et Jeanne Smith. Et on va maintenant retourner un peu en Syrie, parce qu'on a parlé des chrétiens d'Orient, mais on n'a pas du tout parlé de la situation ni politique ni militaire. Le retrait russe, c'est un vrai retrait, c'est pas un vrai retrait, c'est un retrait qui sert à quoi ? Enfin, apparemment, en tout cas, dans la reprise de Palmyre, les Russes semblent avoir été assez jouer un présents. Rôle, oui. Ils sont loin, mais ils sont quand même pas si loin. Ils ne se sont pas d'ailleurs retirés tout à fait. Ils ont dit simplement qu'ils retiraient un certain nombre de choses, mais qu'ils étaient prêts à intervenir de nouveau dans la minute. Mais ma question, qu'est-ce qu'ils ont retiré finalement ? Moi, je n'ai pas très bien compris. Il reste évidemment à l'attaquer à Tartos. Ils ont allégé le dispositif aérien, c'est ça en gros ? D'après ce qu'on a compris, oui. Ils ont rapatrié des avions. Parce que ce n'est pas très précis, il y a des informations qu'on a. Mais apparemment, il y a les conseillers sont, comme disaient les Américains... Ah oui, les forces spéciales sont embarquées. Ils sont toujours là. Ah non, ils sont encore là. Il doit y avoir une petite question de sous quand même, parce que ça coûte cher. Très, très cher. En tout cas, moi, je trouve que depuis 5 ans, quand même, la résistance de Bachar al-Assad, quel que soit ce qu'on pense de cette personne, de ce chef d'État, est quand même assez remarquable. Quand même. Moi, je n'aurais pas parié qu'il lui durerait aussi longtemps et qu'il continue à résister, même plutôt à progresser avec ses troupes depuis 5 ans. Donc certes, il y a eu l'aide très importante, déterminante de la Russie, mais enfin... Qui est récente. Il n'a tenu 4 ans tout seul. Moi, je trouve que c'est assez remarquable. Et je dois dire que je crois que c'était l'hebdomadaire Valeurs Actuelles qui avait, il y a quelques semaines, peut-être un mois ou deux, le temps passe vite, fait une interview très intéressante de lui. Et j'avais trouvé dans ce qu'il avait dit, en tout cas, j'avais trouvé une grande hauteur de vue. Et justement, où il disait quand François Hollande, Laurent Fabius, exiger son départ, sa destitution, enfin le traiter de tous les noms. Il disait, moi je ne me permets pas de traiter ainsi le président français, de m'immiscer dans les affaires intérieures de la France. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de bon sens dans tout cela. La France est toujours, enfin les dirigeants français sont toujours des donneurs de leçons, alors que quand on voit le spectacle qu'ils donnent souvent, j'avais trouvé qu'on avait l'impression d'avoir affaire à un vrai chef d'État avec beaucoup de hauteur de vue, de bon sens. Voilà, donc après, bon, je n'en suis pas l'avocat par principe, mais en tout cas, je considère que c'est un fin politique parce que c'est quand même le fils d'Hafez. Parfois, les enfants ne sont pas toujours à la hauteur des parents. On le voit au Front National. Bon. Et bien là, je dois dire que jusqu'à présent, il me semble qu'il réussit plutôt pas mal, je dois dire, du moins dans la résistance à ses ennemis qui sont quand même puissants et nombreux. Et qu'est-ce que vous pensez ? Oui ? Oui, moi, ça ne m'a pas tellement étonnée parce que j'étais allée en Syrie en 2010, donc. Quelques mois avant le début de l'insurrection, de la pseudo-opposition démocratique. Et j'avais trouvé... Bon, alors, évidemment, c'était un pays très fliqué. On ne sait pas si les gens s'exprimaient vraiment avec... s'exprimaient ce qu'ils pensaient réellement ou si c'était un petit peu... préparé. Mais en tout cas, j'avais senti un fort attachement au régime et au président. Et le pays m'avait paru plutôt... Les gens étaient... je n'avais pas vu de pauvreté, moins que dans certains coins des Balkans, par exemple. Même du côté, même vers la frontière irakienne. Et bon, je crois que je l'ai déjà dit ici, je pense que ce qui a été terrible en Syrie, c'était la présence des réfugiés irakiens. De 2 millions de réfugiés irakiens qui ont déstabilisé le pays, accru la pesée sunnite. Oui, au détriment des autres minorités, des autres minorités. Et ça, on devrait justement, nous, y réfléchir devant l'immigration quand on voit la déstabilisation de la Syrie due aux Irakiens. Et j'aimerais d'ailleurs savoir combien parmi les réfugiés pseudo-syriens il y a de réels Syriens et combien de vrais réfugiés irakiens anciennement en Syrie. Ça, c'est comme les disparus d'Argentine, où on s'est aperçu que c'était en fait des disparus du Chili qui avaient fui en Argentine au moment du golpe de Pinochet. D'accord. J'ai une question aussi. Oui. L'Amérique est supposée puissante. Ses alliés sont supposés tout de même assez bien entraînés. Avaient-ils réellement la volonté de renverser Bachar? Il y a eu quand même beaucoup d'accommodements au cours des ans. Mais, alors, mais pourquoi, je n'en sais rien. Alors, ce serait simplement pour déstabiliser le Proche-Orient. Voilà. Parce que ce qui s'est passé en Syrie sous l'effet des réfugiés irakiens, ça répète absolument ce qui s'était passé il y a 40 ans au Liban sous l'effet des réfugiés palestiniens. C'est toujours la même chose. C'est la révolution par l'immigration. Oui. C'est ce qui va se passer en Europe. Hein. C'est ce qui est en cours en Europe. Voilà. Oui, on crée un ressentiment. C'est la grande angoisse, justement. Et qu'est-ce que vous pensez dans cet ordre d'idées? Puis si on parle des modérés, des rebelles modérés, il y a actuellement les Américains. La CIA a entraîné... c'est peut-être l'inverse. Hein. La CIA a entraîné, financé l'armée démocratique syrienne, qui est à 80% kurde et qui opérait contre Daesh dans l'est du pays. Et le Pentagone, ou c'est peut-être l'inverse, a financé et armé un autre groupe de rebelles modérés. Et maintenant, depuis l'effondrement quand même des anti-Bachar du côté d'Alep, les deux groupes viennent au contact, notamment, c'est surtout les Kurdes qui sont des combattants comme un peu plus vifs et qui ont une visée expansionniste, qui ont attaqué en février le nœud de communication de Maria et qui ont attaqué les autres rebelles modérés. C'est-à-dire deux groupes de rebelles modérés financés, armés par les États-Unis, l'un par la CIA, l'autre par le Pentagone, qui se battent actuellement. C'est une préoccupation amusante. C'est ce qui s'était passé en Rhodésie, à peine l'indépendance obtenue, où l'Occident avait financé la ZANU et la ZAPU contre le régime blanc de Ian Smith, contre le régime rhodésien, le blanc. Et dès que l'indépendance a été proclamée, ils se sont battus. Il y a eu une guerre civile entre Shona et Matabele, une guerre civile effroyable. Et là, mais on n'en est pas encore là. Une guerre civile armée, puisque c'était des forces armées qui étaient... Oui, ce sont même des gens bien armés. Les États-Unis et je pense également par l'Angleterre. Et c'est à beaucoup reproché à Margaret Thatcher. Eh bien, actuellement, ça se répète. Donc, c'est intéressant, l'histoire se répète. La différence, quand même, c'est que là, la guerre civile, la guerre se fait entre modérés, rebelles modérés. Ça a quand même pour effet de réduire à peu près à néant le concept de rebelles modérés. Mais bon, c'est ça qui est peut-être plus amusant. Peut-on être modéré sous ces latitudes? Je ne sais pas, justement. Je posais la question. Et faut-il être modéré? Mais ça, c'est une autre question encore. Ça, c'est plus philosophique. Bon, écoutez, j'aimerais avoir moi des éclaircissements sur diverses questions, peut-être moins spectaculaires, mais qui m'ont frappé ces derniers temps. On m'a annoncé un peu avant Pâques que Benoît XVI allait mourir, qu'il était subclaquant, et puis j'ai plus d'informations. Alors, vous qui suivez ça, vous, Jeanne, qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qu'il faut en penser? La presse s'est jetée sur une déclaration de Mgr Genswein, qui est le secrétaire particulier toujours de Benoît XVI en même temps qu'il est responsable de la maison pontificale et qui a dit dans un entretien avec un média allemand que Benoît XVI italien pardon, s'éteint doucement comme une bougie qu'il continue de lire, de travailler, enfin c'était d'une indécence, ce n'était même pas d'une indécence, ça ne parlait absolument pas d'un problème de santé, ça disait simplement voilà, c'est un vieux monsieur qui est en train de perdre des forces tout doucement, Rien de plus. Et la presse a monté ça en épingle et a compris que Benoît XVI allait mourir. Et j'ai vu des tweets, pardon pour l'anglicisme, prier pour Benoît XVI. Il se meurt. Oui, je n'ai pas de monnaie aujourd'hui. Ou trop. Et des trop petites pièces. On accepte les billets aussi. Hein. Ah, alors ce cochon est bien goulu. Mais je trouve indécent justement l'exploitation qui a été faite de ces paroles, puisque je suis allée voir l'entretien original en italien, là en l'occurrence, je Benessere. Pensais que dans le qui est un journal de troisième âge, oui. Et intéressant parce que quand on n'a pas le temps. Mmh. Moi, j'étais persuadé que vraiment, je me suis laissé prendre. Hein. Ah oui, moi, j'ai pensé sur le moment, oh là là, il est en train de mourir, et puis je suis allé voir à la source, je me dis, ah non, pas du tout, soyons tranquilles, il se promène toujours avec son déambulateur dans son jardin, ben, c'est parfait. Et il joue du piano. Debout. Non. Et il publie, puisqu'il y a eu cet entretien avec un jésuite allemand où il a reparlé de l'importance de la mission en disant que s'il n'y avait pas de risque, s'il n'y avait pas d'enfer, s'il n'y avait pas un enjeu de vie éternelle, eh bien, en effet, on pouvait se passer d'être missionnaire, mais en l'occurrence, on ne peut pas s'en passer. Ah, c'est intéressant. Eh oui, mais on ne le dit pas assez, des choses comme ça. Eh oui. Mais vous devriez faire des papiers. Si j'avais le temps, Martin Pelletier. Un sujet que vous m'avez suggéré, Jérôme, et moi je n'ai pas eu le temps de regarder. J'aimerais que vous nous parliez de la campagne du gouvernement français contre le racisme et l'antisémitisme. Mais sans dire des horreurs. Bien sûr. Mais vous savez, chaque année, dans toutes les écoles de leur république, à partir du 21 mars, en général jusqu'au 28 mars, il y a une campagne de sensibilisation, comme ils disent, contre le racisme et l'antisémitisme. Et cette année, le gouvernement, en plus de cette campagne qui est un véritable bourrage de crâne, eh bien, a fait un certain nombre de clips, pardon pour le mot, 6, où on voit des agressions, l'agression d'un arabe, l'agression d'un noir, l'agression d'un juif, évidemment par des blancs. Les juifs sont blancs, mais les arabes aussi. Et en même temps, il y a un fond sonore où il y a des gens qui parlent, semble-t-il, à table, pour s'exprimer de manière dépréciative, disons, soit sur l'islam, soit sur les juifs, soit sur les arabes ou les noirs. Et donc, qu'à la fin, un slogan qui se veut radical en disant que le racisme, ça commence par des mots, des paroles, et ça se termine par des crachats, des coups, du sang. Bien. Or, d'abord, on constate que dans ces clips, c'est toujours un racisme unilatéral, puisqu'aussi bien, il n'y a pas ni le racisme anti-français, ni anti-chrétien, ni anti-blanc. Or, il me paraît que en France et dans les pays occidentaux, il semble que c'est quand même ce racisme-là qui tue le plus, si j'ose dire, et qui commet le plus de dégâts. Bon. Au contraire, il me semble qu'il y a une grande passivité des Français et des Européens face à, comment dirais-je, la submersion de leur pays. Et donc on voit très bien la volonté tout à fait scandaleuse du gouvernement de culpabiliser les Français, parce qu'en plus ces clips ils sont évidemment payés par les contribuables, hein, puisque c'est une campagne gouvernementale. Et donc c'est une façon de dire aux Français, voyez ce que vous êtes, hein. Vous êtes racistes, vous êtes des criminels en puissance, des assassins en puissance. C'est quand même quelque chose d'effrayant. On ne réagit plus, on est tellement habitué à ce bourrage de crâne depuis la création de SOS Racisme en 1984. C'est une volonté de s'en prendre aux défenses immunitaires des Français, de les culpabiliser, de les tétaniser. Et cela s'accompagne évidemment d'un certain nombre de lois, de législations dites contre la discrimination, contre le racisme, qui fait qu'on ne peut plus rien dire, mais il est certain que cela a un effet, notamment chez une partie, pas la totalité bien sûr, mais une partie des jeunes générations qui sont élevées au biberon antiraciste, si j'ose dire, dès leur naissance. Et qui est en réalité un crime contre la France, hein, contre la pérennité de notre pays, de notre peuple, de notre civilisation, de notre ethnie. C'est quelque chose d'assez abominable. Et de ce point de vue-là, droite et gauche, c'est exactement la même chose. C'est la révolution. Enfin, la droite. C'est la révolution toujours par l'immigration. Camille, vous vouliez intervenir là-dessus. Ben, c'est-à-dire que c'est aussi, ça a été accueilli très favorablement par les médias qui sont toujours, enfin, il y a l'attelage intelligentsia, média... argent. Argent, parce que c'est une question d'argent. Quand le directeur de Mercedes-Benz se réjouissait de l'arrivée des migrants en disant « ces jeunes hommes vont nous donner un coup de fouet », bon, bah, ils en sont très revenus parce qu'on s'est aperçu qu'il faudrait au moins 5 ans pour les mettre à niveau. Bon. Mais enfin, mais c'est justement, et je voudrais signaler justement sur le mensonge médiatique dont on a été abreuvé depuis la crise des migrants, crise qui explique justement la campagne de Valls, puisque c'est Valls qui a voulu cette campagne. Présent a sorti un hors-série sur le mensonge médiatique, tous les aspects du mensonge médiatique. Et je ne peux qu'encourager les auditeurs à l'acheter. Acheter présent. Acheter ce hors-série en kiosque. Il coûte 2,50 euros ou de le commander à présent Rue d'Amboise. Rue d'Amboise, aux deux cinq, rues d'Amboise. Ils recevront gratuitement le hors-série que nous avons été obligés de rééditer parce qu'il s'était épuisé très vite sur l'islam. Pour 4 euros, ils auront en fait deux numéros et que je trouve que j'ai relu récemment, qui est sorti en 2015, mais qui est malheureusement d'une actualité absolument cruelle. Donc, l'islam n'est plus en kiosque, donc ils en profiteront, mais je préconise l'achat du mensonge médiatique. Bon, ben c'est dit, c'est bien dit, et donc, avis aux auditeurs, s'ils ont 2,50 €, hein, c'est aussi la condition. Voilà. Alors, il nous reste maintenant, m'a-t-on dit, 4 minutes 30. J'aurais aimé qu'on parle là de toute autre chose qui est les campagnes, les éternelles campagnes sur ce qu'on appelle la pédophilie. Et c'est toujours l'Église. Je sais bien que notre Sainte-Mère, l'Église, n'est pas quelque chose. C'est une institution humaine. Et donc, très, très faillible. Mais je pense quand même que cette pédophilie est montée en épingle pour des raisons politiques. Et je m'amuse, parce que moi, je lisais Libération dans le temps. On faisait il y avait des reportages et des éditos de comment s'appelle-t-il, de Serge July, encourageant à l'amour avec les enfants, avec des exemples précis de ce que j'appelle l'amour avec les enfants, hein, vous avez compris, et avec même des illustrations. Et maintenant, les mêmes sont scandalisés par la rétention d'informations dans l'Église à ce sujet, et les fautes des uns et le silence des autres. Alors, qui veut prendre la parole sur cette question ? Et la perquisition, se réjouissent de la perquisition de l'archevêché de Lyon. Alors, disons, il y a plusieurs choses. Donc, qu'il y ait une volonté, effectivement, d'aller contre la religion catholique, de la part des médias, c'est une évidence. Et qu'il y ait une exploitation médiatique, c'est certain. Cela étant dit, c'est quand même des choses qui sont avérées et qui sont quand même d'une extrême gravité, parce que cela crée des traumatismes psychologiques chez les enfants qui sont souvent sans remède, et ça détruit bien sûr en général la foi, et c'est quand même plus choquant quand c'est des prêtres, quand c'est des enseignants. C'est toujours choquant, mais enfin disons qu'un homme de Dieu, c'est encore plus choquant. Et moi, je constate quand même que dans l'Église conciliaire, il y a quand même une augmentation considérable de ce genre de cas, qui n'est pas majoritaire, Dieu soit loué, bien sûr, heureusement, mais enfin quand même depuis 50 ans. Et je pense que l'abandon du preux de la soutane, le fait qu'il y ait une désacralisation très très forte, beaucoup de prêtres ou ce qui en tient lieu, qui ne disent pas leur bréviaire, qui ne disent pas la vraie messe, je pense que ça a des éléments, me semble-t-il, non négligeables dans cette affaire-là. Puis le fait aussi qu'il y a mai 68 qui est passé par là, qu'on se permet en quelque sorte de braver des interdits. Je ne dis pas que ça n'existait pas avant Vatican II, ce serait évidemment exagéré et faux de dire ça. Mais enfin, je crois qu'il y a quand même une augmentation très nette qui tient aussi à la crise de l'Église et à la crise de la civilisation. Merci Jérôme, mais là, il ne reste plus qu'une minute juste et demie. Juste une minute pour dire que, hélas, voilà. Ce n'est pas limité à l'Église que vous appelez conciliaire. Hélas, il y en a dans toutes les communautés. On sait qu'il y a eu un pic dans les années 70 avec ce discours que vous avez évoqué. Et je suis très contente parce que j'ai pu faire un entretien avec un pédopsychiatre sur toutes ces questions qui paraîtra dans Monde et Vie. Et vraiment, j'ai eu grand plaisir à le faire parler de tout ça parce qu'il montre justement quelle est la gravité de la chose et comment il faut y réagir et la prévenir. Oui, et il y avait en Amérique, hein, sur l'Église américaine, il y a eu une enquête d'un institut qui s'appelle le John Jay Institute, voilà. Qui montre que c'est vraiment lié plus largement, parce que c'est vrai ce que vous dites, plus largement que la crise de l'Église, à la crise de la société dans les années 60. Aussi, oui. Ce que c'est l'effet Berkeley. Le soixantisme, là, il y a eu un pic énorme. Oui. Et tout était bien. Oui, mais en Irlande, c'est pareil. Moi, je connais beaucoup de gens maintenant en Irlande qui ne mettent plus leurs enfants au catéchisme à cause de ça, hein, je veux dire. Donc, ça a des effets quand même considérables. Hélas, comme tout péché. Considérables. Oui, et celui-ci est particulièrement grave. Eh bien, c'est pas une très bonne conclusion pour cette bonne émission, pourtant. C'est plutôt triste. Mais à tout péché, miséricorde aussi, il faut bien le savoir. Il est 20h54 et je vais rendre l'antenne. Vous écoutiez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée avec le club de la presse, Camille Gallic, Jérôme Bourbon et Jeanne Smith. Bonsoir. Bonsoir. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 30 mars 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 31 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.